Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du concours Rubika pour le design transport. Alors le concours est constitué en 4 épreuves, donc je vais vous détailler les 4, ce qu'ils m'ont demandé de faire et ce que je vous conseille de faire. Et ensuite je vais vous parler du portfolio. Donc la première épreuve c'est 2 QCM. Un sur la culture générale, donc ça portera sur tous les thèmes, actualité, politique, géographie, histoire, art, sport, tous les thèmes. Donc je vous conseille de vraiment suivre l'actualité, suivre les nouveaux projets d'artistes, etc., etc. Et ensuite le deuxième QCM, c'est sur la spécialité que vous avez choisie. Donc moi c'était le transport. Donc pour ce, le transport, il faut connaître l'histoire du design déjà, avant tout. Et ensuite connaître les plus grands designers automobiles, ceux qui ont fait, qui ont changé, le design auto, le design bateau, tout ce que vous voulez, tant que c'est dans le transport. Donc mes conseils pour cette épreuve, ces épreuves, c'est... Laisser parler notre curiosité d'artiste et s'intéresser à tout ce qui nous entoure et approfondir nos recherches sur les questions de design. Donc cette épreuve, c'est une épreuve de 30 minutes, donc 15 minutes par QCM à peu près. Ensuite, on passe à l'épreuve de créativité. Donc cette épreuve, elle vise à évaluer notre capacité à illustrer un propos ou une idée à l'aide de dessins très simples et explicites sous tous les angles, etc., etc. Donc pour réussir cette épreuve, c'est juste de l'entraînement. C'est pas compliqué, il faut juste que ça soit explicite, pas forcément réaliste, mais explicite. Donc pour réussir, il faut un simple entraînement quotidien, dessiner ce qui nous entoure. Par exemple, moi, durant mon épreuve, ils m'ont demandé de dessiner deux têtes, un dirigeable, un vélo et un tram. Donc faut pas hésiter à travailler sa mémoire visuelle aussi. Ensuite, on passe à la deuxième épreuve de créativité. Donc cette épreuve, beaucoup plus dure de 2 heures. C'est une épreuve qui analyse enfin, qui vise à analyser une problématique de design et à proposer une réponse formelle. Donc le dessin d'une solution sous différentes vues dans son environnement qui s'accompagne de schémas ou d'un scénario d'usage. Et moi ce que je vous conseille pour réussir cette épreuve, c'est créer des moyens de transport qui répondent à une problématique, comme par exemple ce qu'ils m'ont demandé, c'était un nouveau moyen de livraison permettant au livreur un gain de temps. Donc moi j'ai pris un van que j'ai redesigné, de façon à ce que le facteur arrive facilement au colis. Et ensuite, mon van, je l'ai mixé avec l'application Waze pour que le livreur évite les bouchons, trouve des places à chaque endroit, etc., etc. Maintenant, je vais passer à la dernière épreuve, donc, qui est l'entretien. Donc l'entretien, c'est vraiment assez convivial, on va dire. Et c'est vraiment un échange de questions de tout et n'importe quoi. Par exemple, quelle marque t'aimes dans les voitures, pourquoi, etc., etc. Donc comme j'ai dit, c'était convivial et ça vous aide à faire connaissance et donner une bonne image de vous aux jurys qui seront vos futurs profs, sûrement. Mais cet entretien est surtout basé sur votre portfolio. Donc justement, je vais en venir sur le portfolio. Donc le portfolio, c'est vraiment un site où vous mettez un recueil de tout ce que vous avez fait, tout ce que vous aimez. Et vous faites un beau truc, quoi. Vous prenez vos meilleurs trucs, vos trucs d'enfance, genre les dessins de ce que vous avez fait étant jeune, les dessins que vous faites maintenant, que ce soit voiture, manga, ce que vous voulez, vous le mettez dedans, vous le mettez dedans. Vous pouvez aussi mettre votre motivation, votre sport, vos passions, tout ce que vous voulez. Et le portfolio, bah, il doit vous refléter durant votre entretien et les juges, ils jugeront votre sincérité par rapport à votre portfolio, et etc., etc. Ce qui donnera une bonne image de vous. L'entretien aussi, parfois les jurys font un échange en anglais. Donc pas tout l'entretien, ils posent juste quelques questions en anglais. Et ça cherche juste à évaluer l'anglais. Moi personnellement j'ai pas eu d'anglais, mais travailler quand même, ça peut être important. Et voilà, ça sera tout pour mon épreuve pour le concours chez Rubika. Et voilà, je vous souhaite une bonne chance.